Exercice 6. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le train TGV numéro 8570 partira à 10h24, voie E. Pour des consignes de sécurité, merci de vous présenter 15 minutes avant le départ. N'oubliez pas votre billet et votre pièce d'identité. Merci de mettre votre nom sur tous vos bagages. Bon voyage !